au fond du puits de ta vie quotidienne, cernée par les grisous, les poussières du temps. N'as-tu jamais de sous ces montagnes dans le temps, regretter ton soleil à travers tes persiennes. Tu as abandonné toute l'ingratitude d'une terre nourricière qui te nourrissait mal, pour aller la creuser dans un puits infernal avec de tes semblables toute une multitude. J'aurais dû peut-être insister, persister, résister au soleil, aux morsures du gel, plutôt qu'aller cuiser au bout de noirs tunnels le charbon pour t'émettre autre servilité. Combien de fois par jour, ombre d'acétylène, tout en creusant la nuit pour nourrir tes enfants, as-tu rêvé en vain le poème obsédant du semeur tout là-haut qui sème et se promène? Sa haute silhouette noire domine les profonds labos. On sent à quel point il doit croire à la fuite du temps des jours. Il marche dans la plaine immense, va, vient, lance la graine loin, ouvre sa main et recommence. Et je médite, obscur témoin, pendant que, déployant ses voiles, l'ombre se mêle une rumeur, semble élargir jusqu'aux étoiles. Geste auguste du sol.